城市的星光在哪里？世界无限宽广，如果你的信心还保有着一双翅膀。星夜狂想曲，欢迎大家收听 FM91.3 星夜狂想曲，我是李星云。今天我们来做一集节目，春天的脚步到了，所以我今天挑选一些歌曲呢，这个题材啊或是歌词都有讨论到这个春天这个季节。春天的确是很多植物啊又重新发芽开花的季节，我自己住在这个社区里面觉得特别的明显，最近有好多的这个花都开了，然后就整个社区都会出门的时候都会香香的。好，今天为大家做了一集春天的歌曲，首先我们来听听的这个是 June Kirsty， 这首歌用上了一些弦乐，这个 June Kirsty 的歌声一直都是我非常喜爱的，她留着这个齐头的这个刘海然后常常辫子绑起来一个小马尾，然后上面还有蝴蝶结，我们一起来欣赏 June Kirsty 的歌声。 I read an old fairy story, wee baby couldn't put it down. There was a man named Aladdin, he had the greatest lamp in town. And with the lamp was a genie, wee baby what that guy could do. I says, hey genie, you're terrific, just bring the lamp and I'm with you.The lamp belonged to Aladdin, that's what the genie said. I said, oh, he wouldn't miss it. I guess I lost my head. I saw an oil well in Texas, wee baby, just imagine that. I saw my name on the oil well, wee baby, bought a Stetson hat.I bought a real fancy mansion, wee baby, cost a lot of dough. It had a real marble bathtub, wee baby, where'd that genie go?That genie, wee baby, what a thing to do. I says, if you leave Aladdin, I'll get you in the movies too. He got a call from Aladdin, he left me in a puff of smoke. And then, you know something funny, wee baby doll, I wound up broke. 提到这个春天 June Kirsty 曾经唱过一首歌曲 I'll Remember April， 好，他这个歌词里面呢就在应该是在想念他的这个过去的恋情吧，就是呢春天一到应该有很多人就开始好像有点想要谈恋爱的感觉，听众朋友你有吗？最近有没有什么绯闻或是桃花运呢？因为春天有很多的植物都开始复苏了，万物复苏，所以这首 首歌曲呢，应该也是在怀念哈，在春天发生的一段恋情。然后这个歌词呢，待会大家听的时候可以听一下。他说 ：“Love and the spring were new. I'm not afraid of autumn and her sorrow.” 好，应该是呢，等到秋天的时候，这段恋曲就悄悄的画上句点了。不过呢，这个女主角她唱着说 ：“I won't forget. I want to be lonely. I will remember April and smile.” 想起那段恋情，其实我还是微笑的。我们一起来欣赏这首《我记得四月》。 This lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye. 我自己的生日很巧的也是在四月，所以呢我搜集了很多跟四月有关系的歌曲哈。尤其是四月呢，有时候会常常会下着这个毛毛雨哈。那我自己的生日又是在这个清明节，很讨厌对不对？怎么会在大家扫墓的时候是我的生日？但是呢我会常常用一些比较活泼的歌曲或是轻快的这个节奏，比如说接下来的这首歌曲，这是来自于 Jason Mraz。 听到他的歌曲呢，就会觉得心情好像跳跃了起来，好像跟着这个歌名 Butterfly 一样的悠游在这些万花丛当中。我们一起来欣赏 Butterfly。 Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got so You know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight, you may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade, you got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day, in your message say my name. Your talk is all the talk, sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back in, ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. Will you float on by? Oh, kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade, you got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day, in your message say my name. Your talk is all the talk, sister, you've got it all. You got it all, you got it all, you got it all. Feel you upside down, slide in, slide out, slide over here, climb into my mouth now. Cha sa pa pa ba da ba da pa, sa pa pa ba da ba da pa, sa pa pa ba da ba da pa, sa ba da ba ba da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Will you land it on my mind? I'd damn like to land it on my ear, and then you float inside. And now I see you perfectly behind closed eyes. I wanna fly with you, and I don't wanna lie to you, 'cause I can't recall a better day. Sun come and shine on the occasion. You're an open-minded lady, you've got it all. And I never forget a face, if I'm living my own. It's you who's got it all. You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all. I can't recall a better day. Sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady. Oh, you got it. Oh, you got it all, you got it all. 虽然说有时候下雨会让人家觉得有一点点忧郁，或是会觉得又没有办法出门了，不过呢真的就有人呢创作这些雨的题材，然后放进歌曲，而且还变成很可爱的。记得那首 Singing in the Rain 吗？待会我们要来听听这首歌曲，它其实也是这个老电影哈当中的这个主题曲，然后被这个香颂天后 Enzo Enzo 把它收录在他的这个 Clap 这张专辑当中，也都是有把它编成有一点点那种歌舞剧啊，像在小夜总会里头，然后这些老香颂，这个 Enzo Enzo 很可爱，他又穿上有一点点像这个女版的这个卓别林的这些燕尾服，然后还别了一个红色的啾啾哈，很可爱。那 Singing the Rain 其实呢就是在描绘这个下雨天，但是呢其实跟雨一起玩耍一起跳舞，其实也可以让人家心情亮起来。我们来听听 Enzo Enzo 所带来的香颂。 Avec moi le moyen de pouvoir s'amuser de tout et de rien en trouvant que tout va très bien. C'est très facile, un petit air, un chant joyeux et tout s'éclaire et tout est bleu. Rien qu'un petit pas sur ce rythme-là, c'est tout simple et voilà. Un pas de danse mène au paradis.L'azur est un palais. Je quitte la terre où tout est gris pour un monde qui me plaît. Qu'attendez-vous? La joie rayonne là-bas. Tout chante sur ces terres-là. Un pas de danse mène au paradis. Suivez-moi si ça vous plaît.Vous met la tête à l'envers. Il sait bien vous donner la joie pour pas cher. Et voilà pourquoi je n'ai pas les pieds sur terre. Un petit air, un chant joyeux. Et tout s'éclaire et tout est bleu. Rien qu'un petit pas sur ce rythme-là, c'est tout simple et voilà.Chante sur cette terre-là, un pas de danse mène au paradis. Suivez-moi si ça vous plaît. Suivez-moi si ça vous plaît. Suivez-moi. 接下来我来播一个演奏曲，好，其实是一个爵士的经典。它的名称叫做 It Might As Well Be Spring， 这是由 Bill Evans 这个三重奏，也是这个我非常喜爱的斯文型的爵士钢琴家 Bill Evans， 他在 Moonbeams 这张专辑当中的乐曲，我们一起来欣赏。 欢迎继续收听星夜狂想曲，我是李星云。我们今天为大家准备了一些跟春天有关系的歌曲，有些是歌词里头有提到，甚至呢有些是跟春天有关系的歌曲送给大家。接下来我想要播的这首歌曲也是上一段跟大家提到 Enzo Enzo 的这个相送集哦，他选了一首呢叫做 Spoonful of Sugar， 原来就是爱满人间的1964年的这个版本的这个电影主题曲。好，在春天我觉得特别适合送给你。 Chaque tâche peut devenir selon l'humeur un plaisir, aucun soupir ne vaut mieux qu'un sourire. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à coulerLa médecine a coulé, la médecine a coulé. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine a coulé. Ça rend la vie plus gaie. L'oiseau faisant un nid douillet n'a pas le temps de se reposer. Il va cueillir des brins de laine et de bois. Et pris par ses occupations, il siffle l'air gai d'une chanson. Ce qui rend surtout le travail beaucoup moins longC'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, la médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça rend la vie plus gaie.Quand les abeilles travaillent en allant de fleur sous le ciel bleu.Elles vont et volent tout en bourdonnant. Mais aussi elles font des agapes en profitant de chaque étape. Et c'est ce qui fait une tâche bien enlevée. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. La médecine à couler, la médecine à coulerJuste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça rend la vie plus gaie. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, la médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça rend la vie plus gaie. 提到春天的歌曲，有一首叫做 Spring Love， 春天的爱。我觉得这些诗人吧，或是作词家很有趣，常常会觉得春天是一个适合恋爱的季节，有很多樱花开啊，这种粉红色的，是不是就是觉得非常的恋爱的颜色？那有很多恋情在春天发生，但是呢，不一定都能够走到年尾哈。那有很多可能在秋天就分手的，或是在冬天，反而会去回忆春天那段美丽的。恋情，接下来我们就来欣赏 Sophie Selmany 所带来的 Spring Love。 So fall into 洗手， 下面这首曲子叫做 April in Paris。 哇，四月其实就很浪漫了，有很多的花开，而且居然是在巴黎。大家有四月到巴黎过吗？其实我觉得有很多的大城市呢，这些诗人这些音乐家都在颂赞这个都市。那这首曲子应该也是在这样子的场景下来描绘在巴黎四月又是什么样的景象呢？我们来听的是 Blossom Daring 所带来的钢琴曲。 有一张专辑 Springville， 这个是 Miles Davis 跟 Quincy Jones， 好，他们在 Montreux 有一个 live 的这个现场演出啊、哦。原来 Miles Davis 跟这个 Quincy Jones 也曾经联手，我们来听这首跟春天有关的歌 Springville。其实我觉得春天还蛮适合听爵士乐的，听众朋友，在这个季节你喜爱听什么样的风格跟类型呢？今天为大家准备了这些跟春天题材有关系的不管是演奏曲啊爵士乐或是歌曲等等的。其实我家最近附近有很多的这个含笑花或是柠檬花还有这个橙花都开了，所以春天出门的时候好像衣服上面都会沾惹一些这个社区的一些花香的味道，我自己觉得还蛮疗愈的。大家喜欢春天吗？喜欢今天为大家准备的歌曲吗？最后一首了，这个是 Here's That Rainy Day， 来自于 Paul Desmond 的在 Easy Living 这张专辑当中的音乐，陪伴大家，祝大家有一个美好的夜晚。我是李欣云，我们下周见。Thank you. Thank you.